Dis-moi la fun. La culture, c'est quand même quelque chose. Et nous, pauvres paysans, quand on veut faire le blé, on nous dit il faut faire le cochon. Et quand on fait le cochon, on nous dit il faut faire le maïs et de l'avoine. Et je t'en foutrais de l'avoine, ouais. On nous prend pour des cons. Le ventre et les mamelles, c'est nous. Va falloir que ça change. Fais quelque chose, président, fais quelque chose. Bande de feignants. Je vais leur foutre du fumier sous leur roue à ces prendères. Président, comme t'es de chez nous, fais quelque chose. Je sais pas quoi, mais fais quelque chose. Ça peut plus durer. Caujoko que faux, mansalo penso. Une trembleienne de ces doymos. Caujoko que plante le chemin chaud. Si quoi n'est pas loup poison. Quand si je l'aura, c'est comme mes saïmos, comme mes soncures. Ouais, pas les austres que pas l'ouvrat, c'est quoi le poison, le chauffre de loup. Alla dis-donc, dis-donc, telle, alla dis-donc, dis-donc, donc, faut pas prendre des paysans pour des cons. Alla dis-donc, dis-donc, telle, alla dis-donc, dis-donc, donc, faut pas prendre des paysans pour des cons. Dis-moi la fun, alors, toi aussi, comme ils disent, tu t'émancipes. Tu manquais plus que ça, créons. Je vais t'habiller comme cette fumelle de Paris, comme on dirait des mâles. Ha, fais quelque chose, président, fais quelque chose. J'aime mieux mes bugs d'avoir une femme qui va se faire des minauderies en blugeant. Bande de feignantes, à la culture, au champ. On est les mamelles bondelées, faut en sortir, on est sous le joug. Quoi pas les austres qui fallent au bras, tu sais. Président, comme t'es de chez nous, fais quelque chose. Je sais pas quoi, mais fais quelque chose. Ça peut plus durer. Caujoko que faux, belle le France. Une cultipène sous grande sardine. Caujoko qui remplisse le pinceau. Si qu'on n'est pas loup poison. D'autres sialous sur chou notre lacé, dit la colour et dit nous prie, nos pérez qui chou courage et le grand cul des Auvergnats. À la dis-donc, dis-donc.